Section 21 de « Mémoire d'outre-tombe », volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre 6e. Suite. Que Bonaparte, continuateur des succès de la République, sema partout des principes d'indépendance, que ses victoires aidassent au relâchement des liens entre les peuples et les rois, arrachassent ces peuples à la puissance des vieilles mœurs et des anciennes idées. Que dans ce sens, il ait contribué à l'affranchissement social, je ne le prétends point contester. Mais que de sa propre volonté, il ait travaillé sciemment à la délivrance politique et civile des nations, qu'il ait établi le despotisme le plus étroit dans l'idée de donner à l'Europe, et particulièrement à la France, la constitution la plus large, qu'il n'ait été qu'un tribun déguisé en tyran, c'est une supposition qu'il m'est impossible d'adopter. Bonaparte, comme la race des princes, n'a voulu et n'a cherché que la puissance, en y arrivant toutefois à travers la liberté, parce qu'il débuta sur la scène du monde en 1793. La Révolution, qui était la nourrice de Napoléon, ne tarda pas à lui apparaître comme une ennemie. Il ne cessa de la battre. L'empereur, du reste, connaissait très bien le mal, quand le mal ne venait pas directement de l'empereur, car il n'était pas dépourvu du sens moral. Le sophisme mis en avant, touchant l'amour de Bonaparte pour la liberté, ne prouve qu'une chose, l'abus que l'on peut faire de la raison. Aujourd'hui, elle se prête à tout. N'est-il pas établi que la terreur était un temps d'humanité? En effet, ne demandait-on pas l'abolition de la peine de mort lorsqu'on tuait tant de monde? Les grands civilisateurs, comme on les appelle, n'ont-ils pas toujours immolé les hommes? Et n'est-ce pas par là, comme on le prouve, que Robespierre était le continuateur de Jésus-Christ? L'empereur se mêlait de toutes choses. Son intellect ne se reposait jamais. Il avait une espèce d'agitation perpétuelle d'idées. Dans l'impétuosité de sa nature, au lieu d'un train franc et continu, il s'avançait par bonds et haut le corps. Il se jetait sur l'univers et lui donnait des saccades. Il n'en voulait point de cet univers s'il était obligé de l'attendre. Être incompréhensible, qui trouvait le secret d'abaisser en les dédaignant ses plus dominantes actions et qui élevait jusqu'à sa hauteur ses actions les moins élevées, impatient de volonté, patient de caractère, incomplet et comme inachevé, Napoléon avait des lacunes dans le génie. Son entendement ressemblait au ciel de cet autre hémisphère sous lequel il devait aller mourir, à ce ciel dont les étoiles sont séparées par des espaces vides. On se demande par quel prestige Bonaparte, si aristocrate, si ennemi du peuple, a pu arriver à la popularité dont il jouit. Car ce forgeur de joug est très certainement resté populaire chez une nation dont la prétention a été d'élever des autels à l'indépendance et à l'égalité. Voici le mot de l'énigme. Une expérience journalière fait reconnaître que les Français vont instinctivement au pouvoir. Ils n'aiment point la liberté, l'égalité seule est leur idole. Or, l'égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes. Sous ces deux rapports, Napoléon avait sa source au cœur des Français, militairement incliné vers la puissance, démocratiquement amoureux du niveau. Monté au trône, il y fit asseoir le peuple avec lui. Roi prolétaire, il humilia les rois et les nobles dans ses antichambres. Il nivela les rangs, non en les abaissant, mais en les élevant. Le niveau descendant aurait charmé davantage l'envie plébéienne. Le niveau ascendant a plus flatté son orgueil. La vanité française se bouffit aussi de la supériorité que Bonaparte nous donna sur le reste de l'Europe. Une autre cause de la popularité de Napoléon tient à l'affliction de ces derniers jours. Après sa mort, à mesure que l'on connut mieux ce qu'il avait souffert à Sainte-Hélène, on commença à s'attendrir. On oublia sa tyrannie pour se souvenir qu'après avoir vaincu nos ennemis, qu'après les avoir ensuite attirés en France, il nous avait défendus contre eux. Nous nous figurons qu'il nous sauverait aujourd'hui de la honte où nous sommes. Sa renommée nous fut ramenée par son infortune. Sa gloire a profité de son malheur. Enfin, les miracles de ses armes ont ensorcelé la jeunesse en nous apprenant à adorer la force brutale. Sa fortune inouïe a laissé à l'outrecuidance de chaque ambition l'espoir d'arriver où il était parvenu. Et pourtant cet homme, si populaire par le cylindre qu'il avait roulé sur la France était l'ennemi mortel de l'égalité et le plus grand organisateur de l'aristocratie dans la démocratie. Je ne puis acquiescer aux faux éloges dont on insulte Bonaparte en voulant tout justifier dans sa conduite. Je ne puis renoncer à ma raison, m'extasier devant ce qui me fait horreur ou pitié. Si j'ai réussi à rendre ce que j'ai senti, il restera de mon portrait une des premières figures de l'histoire, mais je n'ai rien adopté de cette créature fantastique composée de mensonges. Mensonges que j'ai vus naître, qui, pris d'abord pour ce qu'ils étaient, ont passé avec le temps à l'état de vérité par l'infatuation et l'imbécile crédulité humaine. Je ne veux pas être une sotte grue et tomber du haut mal d'admiration. Je m'attache à peindre les personnages en conscience, sans leur ôter ce qu'ils ont, sans leur donner ce qu'ils n'ont pas. Si le succès était réputé l'innocence, si, débauchant jusqu'à la postérité, il la chargeait de ses chaînes, si, esclave futur, engendré d'un passé esclave, cette postérité subornée devenait le complice de quiconque aurait triomphé, où serait le droit? Où serait le prix des sacrifices? Le bien et le mal n'étant plus que relatifs, toute moralité s'effacerait des actions humaines. Tel est l'embarras que cause à l'écrivain impartial une éclatante renommée. Il l'écarte autant qu'il peut afin de mettre le vrai à nu. Mais la gloire revient comme une vapeur radieuse et couvre à l'instant le tableau. Pour ne pas avouer l'amoindrissement de territoire et de puissance que nous devons à Bonaparte, la génération actuelle se console en se figurant que ce qu'il nous a retranché en force, il nous l'a rendu en illustration. Désormais, ne sommes-nous pas, dit-elle, renommés aux quatre coins de la terre? Un Français n'est-il pas craint, remarqué, recherché, connu à tous les rivages? Mais étions-nous placés entre ces deux conditions, où l'immortalité sans puissance ou la puissance sans immortalité? Alexandre fit connaître à l'univers le nom des Grecs. Il ne leur en laissa pas moins quatre empires en Asie. La langue et la civilisation des Hellènes s'étendirent d'une île à Babylone et de Babylone à l'Indus. À sa mort, son royaume patrimonial de Macédoine, loin d'être diminué, avait centuplé de force. Bonaparte nous a fait connaître à tous les rivages. Commandés par lui, les Français jetèrent l'Europe si bas à leurs pieds que la France prévaut encore par son nom et que l'arc de l'étoile peut s'élever sans paraître un puéril trophée. Mais, avant nos revers, ce monument eût été un témoin au lieu de n'être qu'une chronique. Cependant, Dumouriez, avec ses réquisitionnaires, n'avait-il pas donné à l'étranger les premières leçons? Jourdan gagnait la bataille de Fleurus, Pichegru conquit la Belgique et la Hollande, Hoche passé le Rhin, Masséna triomphé à Zurich, Moreau à Hohenlinden, tous exploits les plus difficiles à obtenir et qui préparaient les autres. Bonaparte a donné un corps à ses succès épars. Il les a continués, il a fait rayonner ses victoires, mais sans ses premières merveilles, eût-il obtenu les dernières? Il n'était au-dessus de tout que quand la raison chez lui exécutait les inspirations du poète. L'illustration de notre suzerain ne nous a coûté que 200 000 ou 300 000 hommes par an. Nous l'avons payé que de 3 millions de nos soldats. Nos concitoyens ne l'ont acheté qu'au prix de leurs souffrances et de leur liberté, pendant 15 années. Ces bagatelles peuvent-elles compter? Les générations venues après ne sont-elles pas resplendissantes? Tant pis pour ceux qui ont disparu. Les calamités sous la République servirent au salut de tous. Nos malheurs sous l'Empire ont bien plus fait. Ils ont déifié Bonaparte. Cela nous suffit. Cela ne me suffit pas à moi. Je ne m'abaisserai point à cacher ma nation derrière Bonaparte. Il n'a pas fait la France. La France l'a fait. Jamais aucun talent, aucune supériorité ne m'amènera à consentir au pouvoir qui peut, d'un mot, me priver de mon indépendance, de mes foyers, de mes amis. Si je ne dis pas de ma fortune et de mon honneur, c'est que la fortune ne me paraît pas valoir la peine qu'on la défende. Quant à l'honneur, il échappe à la tyrannie. C'est l'âme des martyrs. Les liens l'entourent et ne l'enchaînent pas. Il perce la voûte des prisons et emporte avec soi tout l'homme. Le tort que la vraie philosophie ne pardonnera pas à Bonaparte, c'est d'avoir façonné la société à l'obéissance passive. repoussé l'humanité vers les temps de dégradation morale et peut-être abâtardi les caractères de manière qu'il serait impossible de dire quand les cœurs commenceront à palpiter de sentiments généreux. La faiblesse où nous sommes plongés vis-à-vis de l'Europe, notre abaissement actuel, sont la conséquence de l'esclavage napoléonien. Il ne nous est resté que les facultés du joug. Bonaparte a dérangé jusqu'à l'avenir. Point ne m'étonnerait si l'on nous voyait, dans le malaise de notre impuissance, nous amoindrir, nous barricader contre l'Europe au lieu de l'aller chercher, livrer nos franchises au-dedans pour nous délivrer au-dehors d'une frayeur chimérique, nous égarer dans d'ignobles prévoyances, contraires à notre génie et aux 14 siècles dont se composent nos mœurs nationales. Le despotisme que Bonaparte a laissé dans l'air descendra sur nous en forteresse. La mode est aujourd'hui d'accueillir la liberté d'un rire sardonique, de la regarder comme vieillerie, tombée en désuétude avec l'honneur. Je ne suis point à la mode. Je pense que sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. Elle donne du prix à la vie. Dussé-je rester le dernier à la défendre, je ne cesserai de proclamer ses droits. Attaquer Napoléon au nom de choses passées, l'assaillir avec des idées mortes, c'est lui préparer de nouveaux triomphes. On ne le peut combattre qu'avec quelque chose de plus grand que lui, la liberté. Il s'est rendu coupable envers elle et par conséquent envers le genre humain. Vaine parole, mieux que personne j'en sens l'inutilité. Désormais toute observation, si modérée qu'elle soit, est réputée profanatrice. Il faut du courage pour oser braver les cris du vulgaire, pour ne pas craindre de se faire traiter d'intelligence bornée, incapable de comprendre et de sentir le génie de Napoléon par la seule raison qu'au milieu de l'admiration vive et vraie que l'on professe pour lui, on ne peut néanmoins encenser toutes ses imperfections. Le monde appartient à Bonaparte. Ce que le ravageur n'avait pu achever de conquérir, sa renommée l'usurpe. Vivant, il a manqué le monde. Mort, il le possède. Vous avez beau réclamer, les générations passent sans vous écouter. L'Antiquité fait dire à l'ombre du fils de Priam « Ne juge pas Hector d'après sa petite tombe. L'Iliade, Homère, les Grecs en fuite, voilà mon sépulcre. Je suis enterré sous toutes ces grandes actions. » Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte. C'est une figure légendaire composée des lubies du poète, des devis du soldat et des contes du peuple. C'est le Charlemagne et l'Alexandre des épopées du Moyen-Âge que nous voyons aujourd'hui. Ce héros fantastique restera le personnage réel, les autres portraits disparaîtront. Bonaparte appartenait si fort à la domination absolue qu'après avoir subi le despotisme de sa personne, il nous faut subir le despotisme de sa mémoire. Ce dernier despotisme est plus dominateur que le premier, car si l'on combattit Napoléon alors qu'il était sur le trône, il y a consentement universel à accepter les fers que mort il nous jette. Il est un obstacle aux événements futurs. Comment une puissance sortie des camps pourrait-elle s'établir après lui? N'a-t-il pas tué en la surpassant toute gloire militaire? Comment un gouvernement libre pourrait-il naître lorsqu'il a corrompu dans les cœurs le principe de toute liberté? Aucune puissance légitime ne peut plus chasser de l'esprit de l'homme le spectre usurpateur. Le soldat et le citoyen, le républicain et le monarchiste, le riche et le pauvre, placent également les bustes et les portraits de Napoléon à leur foyer, dans leur palais ou dans leur chaumière. Les anciens vaincus sont d'accord avec les anciens vainqueurs. On ne peut faire un pas en Italie qu'on ne le retrouve. On ne pénètre pas en Allemagne qu'on ne le rencontre, car dans ce pays la jeune génération qui le repoussa est passée. Les siècles s'asseyent d'ordinaire devant le portrait d'un grand homme, ils l'achèvent par un travail long et successif. Le genre humain, cette fois, n'a pas voulu attendre. Peut-être s'est-il trop hâté d'estomper un pastel. Il est temps de placer en regard de la partie défectueuse de l'idole, la partie achevée. Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a jamais eu et n'a jamais prétendu établir. Il est grand pour avoir créé un gouvernement régulier et puissant. Un code de loi adopté en divers pays, des cours de justice, des écoles, une administration forte, active, intelligente, et sur laquelle nous vivons encore. Il est grand pour avoir ressuscité, éclairé et géré supérieurement l'Italie. Il est grand pour avoir fait renaître en France l'ordre du sein du chaos, pour avoir relevé les autels, pour avoir réduit de furieux démagogues, d'orgueilleux savants, des littérateurs anarchiques, des athées voltairiens, des orateurs de carrefour, des égorgeurs de prisons et de rues, des claque-dents de tribunes, de clubs et d'échafauds, pour les avoir réduits à servir sous lui. Il est grand pour avoir enchaîné une tourbe anarchique. Il est grand pour avoir fait cesser les familiarités d'une commune fortune, pour avoir forcé des soldats, ses égaux, des capitaines, ses chefs ou ses rivaux à fléchir sous sa volonté. Il est grand surtout pour être né de lui seul, pour avoir su sans autre autorité que celle de son génie, pour avoir su, lui, se faire obéir par 36 millions de sujets à l'époque où aucune illusion n'environne les trônes. Il est grand pour avoir abattu tous les rois, ses opposants, pour avoir défait toutes les armées, quelle qu'ait été la différence de leur discipline et de leur valeur, pour avoir appris son nom au peuple sauvage comme au peuple civilisé, pour avoir surpassé tous les vainqueurs qui le précédèrent, pour avoir rempli 10 années de tels prodiges qu'on a peine aujourd'hui à les comprendre. Le fameux délinquant en matière triomphale n'est plus. Le peu d'hommes qui comprennent encore les sentiments nobles peuvent rendre hommage à la gloire sans la craindre, mais sans se repentir d'avoir proclamé ce que cette gloire eut de funeste, sans reconnaître le destructeur des indépendances pour le père des émancipations. Napoléon n'a nul besoin qu'on lui prête des mérites. Il fut assez doué en naissant. Or donc que détaché de son temps, son histoire est finie et que son épopée commence, allons le voir mourir. Quittons l'Europe, suivons-le sous le ciel de son apothéose. Le frémissement des mers, là où ses vaisseaux caleront la voile, nous indiquera le lieu de sa disparition. À l'extrémité de notre hémisphère, on entend, dit Tacite, le bruit que fait le soleil en s'immergeant. Sonum in super immergentis audiri. Jean de Noyant, navigateur portugais, s'était égaré dans les eaux qui séparent l'Afrique de l'Amérique. En 1502, le 18 août, fête de Sainte-Hélène, mère du premier empereur chrétien, il rencontra une île par le 16e degré de latitude méridionale et le 11e de longitude. Il y toucha et lui donna le nom du jour de la découverte. Après avoir fréquenté cette île quelques années, les Portugais la délaissèrent. Les Hollandais s'y établirent et l'abandonnèrent ensuite pour le cap de Bonne-Espérance. La Compagnie des Indes d'Angleterre s'en saisit. Les Hollandais la reprirent en 1672. Les Anglais l'occupèrent de nouveau et s'y fixèrent. Lorsque Jean de Noyat surgit à Sainte-Hélène, l'intérieur du pays inhabité n'était qu'une forêt. Fernand Lopez, renégat portugais, déporté à cette oasis, la peupla de vaches, de chèvres, de poules, de pintades et d'oiseaux des 4 parties de la terre. On y fit monter successivement, comme à bord de l'arche, des animaux de toute la création. 500 blancs, 1500 nègres, mêlés de mulâtres, de javanais et de chinois, composent la population de l'île. Jamestown en est la ville et le port. Avant que les Anglais fussent maîtres du cap de Bonne-Espérance, les flottes de la Compagnie, au retour des Indes, relâchaient à Jamestown. Les matelots étalaient leurs pacotis au pied des palmistes. Une forêt muette et solitaire se changeait, une fois l'an, en un marché bruyant et peuplé. Le climat de l'île est sain mais pluvieux. Ce donjon de Neptune, qui n'a que 7 à 8 lieues de tour, attire les vapeurs de l'océan. Le soleil de l'équateur chasse à midi tout ce qui respire, force au silence et au repos jusqu'aux moucherons, oblige les hommes et les animaux à se cacher. Les vagues sont éclairées la nuit de ce qu'on appelle la lumière de mer, lumière produite par des myriades d'insectes dont les amours, électrisés par les tempêtes, allument à la surface de l'abîme les illuminations d'une noce universelle. L'ombre de l'île, obscure et fixe, repose au milieu d'une plaine mobile de diamants. Le spectacle du ciel est semblablement magnifique, selon mon savant et célèbre ami, M. de Humboldt. On éprouve, dit-il, je ne sais quel sentiment inconnu, lorsqu'en approchant de l'équateur, et surtout en passant d'un hémisphère à l'autre, on voit s'abaisser progressivement et enfin disparaître les étoiles que l'on connut dès sa première enfance. On sent qu'on n'est point en Europe lorsqu'on voit s'élever sur l'horizon l'immense constellation du navire ou les nuées phosphorescentes de Magellan. Nous ne vîmes pour la première fois distinctement, continue-t-il, la croix du sud que dans la nuit du 4 au 5 juillet par les 16 degrés de latitude. Je me rappelais le passage sublime de Dante que les commentateurs les plus célèbres ont appliqué à cette constellation. Io mi volsi a man destra, etc. Chez les Portugais et les Espagnols, un sentiment religieux les attache à une constellation dont la forme leur rappelle ce signe de la foi planté par leurs ancêtres dans les déserts du Nouveau Monde. Les poètes de la France et de la Lusitanie ont placé des scènes de l'élégie au rivage du Mélinde et des îles avoisinantes. Il y a loin de ces douleurs fictives aux tourments réels de Napoléon, sous ces astres prédits par le chantre de Béatrice et dans ces mers d'Éléonore et de Virginie. Les grands de Rome, relégués aux îles de la Grèce, se souciaient-ils des charmes de ses rives et des divinités de la Crète et de Naxos? Ce qui ravissait Vasco de Gama et Camoens ne pouvait émouvoir Bonaparte. Couché à la poupe du vaisseau, il ne s'apercevait pas qu'au-dessus de sa tête étincelaient des constellations inconnues dont les rayons rencontraient pour la première fois ses regards. Que lui faisaient ces astres qu'il ne vit jamais de ses bivouacs, qui n'avaient pas brillé sur son empire? Et cependant, aucune étoile n'a manqué à sa destinée. La moitié du firmament éclaira son berceau, l'autre était réservée à la pompe de sa tombe. La mer que Napoléon franchissait n'était point cette mer amie qui l'apporta des havres de la Corse, des sables d'Aboukir, des rochers de l'île d'Elbe, aux rives de la Provence. C'était cet océan ennemi qui, après l'avoir enfermé dans l'Allemagne, la France, le Portugal et l'Espagne, ne s'ouvrait devant sa course que pour se refermer derrière lui. Il est probable qu'en voyant les vagues pousser son navire, les vents alisés l'éloigner d'un souffle constant, il ne faisait pas sur sa catastrophe les réflexions qu'elle m'inspire. Chaque homme sent sa vie à sa manière. Celui qui donne au monde un grand spectacle est moins touché et moins enseigné que le spectateur. Occupé du passé comme s'il pouvait renaître, espérant encore dans ses souvenirs, Bonaparte s'aperçut à peine qu'il franchissait la ligne. Et il ne demanda point quelle main trace à ces cercles dans lesquels les globes sont contraints d'emprisonner leur marche éternelle. Le 15 août, la colonie errante célébra la Saint-Napoléon à bord du vaisseau qui conduisait Napoléon à sa dernière halte. Le 15 octobre, le Northumberland était à la hauteur de Sainte-Hélène. Le passager monta sur le pont. Il eut peine à découvrir un point noir imperceptible dans l'immensité bleuâtre. Il prit une lunette. Il observa ce grain de terre, ainsi qu'il eût autrefois observé une forteresse au milieu d'un lac. Il aperçut la bourgade de Saint-James, enchâssée dans des rochers escarpés. Pas une ride de cette façade stérile à laquelle ne fut suspendu un canon. On semblait avoir voulu recevoir le captif selon son génie. Le 16 octobre 1815, Bonaparte aborda l'écueil, son mausolée, de même que le 12 octobre 1492, Christophe Colomb aborda le Nouveau Monde, son monument. Là, dit Walter Scott, à l'entrée de l'océan Indien, Bonaparte était privé des moyens de faire un second avatar ou incarnation sur la terre. Avant d'être transporté à la résidence de Longwood, Bonaparte occupa une case à Briard, près de Balcombe's Cottage. Le 9 décembre, Longwood, augmenté à la hâte par les charpentiers de la flotte anglaise, reçut son hôte. La maison, située sur un plateau de montagne, se composait d'un salon, d'une salle à manger, d'une bibliothèque, d'un cabinet d'études et d'une chambre à coucher. C'était peu. Ceux qui habitèrent la tour du temple et le donjon de Vincennes furent encore moins bien logés. Il est vrai qu'on eut l'intention d'abréger leur séjour. Le général Gourgaud, monsieur et madame de Montholon, avec leurs enfants, monsieur de Las Cases et son fils, campèrent provisoirement sous des tentes. Monsieur et madame Bertrand s'établirent à Hutsgate, cabine placée à la limite du terrain de Longwood. Bonaparte avait pour promenoir une arène de 12 000, des sentinelles entouraient cet espace, et des vigies étaient placées sur les plus hauts pitons. Le lion pouvait étendre ses courses au-delà, mais il fallait alors qu'il consentît à se laisser garder par un bestiaire anglais. Deux camps défendaient l'enceinte excommuniée. Le soir, le cercle des factionnaires se resserrait sur Longwood. À 9 heures, Napoléon consigné ne pouvait plus sortir. Les patrouilles faisaient la ronde. Des cavaliers en vedette, des fantassins plantés çà et là, veillaient dans les criques et dans les ravins qui descendaient à la grève. Deux brigues armées croisaient, l'un sous le vent, l'autre au vent de l'île. Que de précautions pour garder un seul homme au milieu des mers. Après le coucher du soleil, aucune chaloupe ne pouvait mettre à la mer. Les bateaux pêcheurs étaient comptés, et la nuit, ils restaient au port sous la responsabilité d'un lieutenant de marine. Le souverain généralissime qui avait cité le monde à son étrier était appelé à comparaître deux fois le jour devant un hausse-col. Bonaparte ne se soumettait point à cet appel. Quand, par fortune, il pouvait éviter les regards de l'officier de service, cet officier n'aurait osé dire où et comment il avait vu celui dont il était plus difficile de constater l'absence que de prouver la présence à l'univers. Fin de la section 21.